Amis humains, bonjour. Voici une petite mise à jour de la pensée d'Albert Camus. En ces temps où l'humain a tendance à devenir une valeur plutôt relative. 11e partie. Solitaire, solidaire. Revenons-en à la question première, dont est la méditation du philosophe Camus, l'homme peut-il, à lui seul et sans le secours de l'Éternel, créer ses propres valeurs? L'action politique, ce miracle qui met au monde ce qui est radicalement neuf et crée une solidarité symétrique entre les hommes, sens originel de la politique telle que l'a reconstruit Hannah Arendt, et la création artistique, sont les deux manifestations essentielles de la révolte humaine. Pourvu étant que l'action demeure possible. La révolte, cette communauté de finitude, permet de mettre en échec l'angoisse sans recourir à la démesure de la foi, à la trahison de la finitude. Donner sens à l'existence, c'est partager la révolte. Solitaire, solidaire. Chacun pourra retrouver, s'il le souhaite, les raisons de l'actualité foudroyante de cette philosophie inactuelle de la révolte. Pour Sartre et Beauvoir, Camus était un philosophe dilettante, un philosophe du dimanche, ce verdict empli de ressentiment a largement contribué à son ostracisme. La philosophie officielle continue encore de maintenir cet ostracisme à travers un silence des plus coupables, celui qui découle de l'indifférence. Pourtant, Camus est l'un des rares philosophes qui a été capable de penser la finitude, de lui faire face, de tracer la carte de ses trahisons, de fournir le fil d'Ariane qui permette d'échapper au minotaure des hypostases. Il a donc fait face au devoir inéluctable de la philosophie aujourd'hui, si elle ne veut pas retomber dans la théologie ou s'embourber dans des frivolités autoréférentielles. Mais c'est justement du fait de cette fidélité à la finitude que Camus apparaît superflu à une philosophie qui s'intéresse souvent davantage à redéfinir l'être après le crépuscule de la métaphysique, ou à couper en quatre les cheveux analytiques du sens, ou à ériger des monuments tautologiques à une justice très académique. Face à une philosophie qui se moque du penseur bricoleur, se croyant elle-même l'incarnation du sérieux, Camus pourrait bien nous rappeler Pascal, se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Fin de la 11e et dernière partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.